Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 83. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 17 juin 2007, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es devant Monsieur le Maire. Tu es Lune de Miel, tu es l'insatiable Eddy Barclay, tu es Publication des Bancs, tu es le plus beau jour de ta vie, et tu es aussi... Nous nous éprenons d'une femme libre, indépendante, c'est normal, c'est adorable une femme libre, mais dès l'instant que nous l'avons épousée, comme elle a cessé d'être libre, elle peut en conséquence nous plaire beaucoup moins. Oh, ne vous mariez pas. Oui. Tu l'auras compris, l'ami, ce matin tu es mariage pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Eh bien, figure-toi qu'en France aujourd'hui, selon l'INSEE, presque un mariage sur deux se termine par un divorce. Alors, dans l'espoir bien sûr d'affaiblir cette tendance, et à l'heure justement où nous entrons pleinement dans la grande saison des mariages, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin, durant 53 minutes, de te raconter, comme d'habitude, une petite histoire illustrée, celle des unions nuptiales. Et pour commencer, du trousseau de la mariée au célibat des prêtres, il faut évoquer ce qu'ont pu être les épousailles du temps passé. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons d'offrir quelques conseils avisés à l'usage des futurs époux afin que leur union soit une parfaite réussite. On enchaînera d'ailleurs sur une petite surprise du jésuitique Maurice Thiesch qui, dès 1953, connaissait la recette du succès pour inscrire ton mariage dans la durée. Et puis, dans la foulée, nous te dévoilerons les préparatifs du mariage le plus glamour de l'été entre le basketteur Tony Parker et l'actrice américaine Eva Longoria, noces mondaines qui doivent être célébrées en région parisienne le 7 juillet prochain. Et enfin, il faudra te raconter ce qu'ont vécu Monique et Jean-Claude le week-end dernier lors d'un mariage très classique, celui de leur cousine et désormais cousin par alliance. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques, on est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et jette du riz cuit. Stop! Hot Stuff. C'est ce que chantait en 1979 Donna Summer, qui donna sa main en 1972 et pour l'éternité à Helmut, un acteur autrichien, mais qui bien sûr a divorcé 4 ans plus tard. Vive la mariée! Alors ce matin, la panique au Mangin Palace s'est affublée d'une robe blanche, d'un voile en tulle et d'une jarretière pour explorer l'univers immaculé du mariage. Le mariage, cette sublime union de deux âmes qui forment le couple. Tu es mon premier homme et je suis ta première femme. L'un à l'autre, on s'est donné une âme. Tu es mon guide, je veux te suivre, sincère et attentive. Adam et Ève, c'est toi et moi. On est fait tous deux pour vivre ensemble. Adam et Ève forment ainsi, selon la Bible, le premier couple. Mais on ne peut pas dire qu'ils étaient mariés. En effet, la notion de mariage comme union légalement reconnue est assez tardive. Dans l'Antiquité, le rapt, l'achat ou la négociation entre les parents sont le plus souvent à l'origine du couple, avec dans la plupart du temps des visées politiques, comme par exemple à Babylone avec Alexandre le Grand. Alexandre avait compris qu'entre le conquérant et les peuples conquis, il fallait faire intervenir Eros. Seul Dieu par qui les cœurs se laissent véritablement toucher. Le jeune conquérant du monde décida d'épouser la plus belle des reines vaincues et fit célébrer le même jour 30 000 mariages à Babylone entre ses soldats et les femmes captives. 30 000 mariages le même jour à Babylone, c'est tout de même mieux que les 12 000 couples là, unis par le terrifiant révérend Moon en 1999 dans un stade de Séoul. La mise en place d'une législation encadrant le mariage apparaît sous l'Empire romain. Mais elle était anecdotique face au concubinage qui restait l'usage le plus répandu. Et quand l'Église triomphante prend en main la société, le mariage n'est pas sa préoccupation première. Ainsi, le grand saint Augustin vivait en concubinage, tout comme Charlemagne, qui entretenait plusieurs femmes d'ailleurs. Car l'Église, au-delà de la rigueur du dogme, devait composer avec la réalité sociale. Au Moyen-Âge, le mariage ressemble surtout à une alliance entre deux familles, une transaction qui se concrétise par un échange d'argent et de biens. Tout sentiment est donc exclu du mariage, les bisous doux et les câlins coquins étant réservés aux concubines. L'Église ne cesse alors de combattre ce matérialisme nuptial. Elle impose le mariage comme un sacrement encadré par des règles de vie incluant le consentement mutuel et la fidélité. Le mariage religieux actuel est l'aboutissement de ce combat. À l'Église, souviens-toi, on nous lançait des fleurs, des poignées. À pleurer de joie, souris de bonheur quand tu as dit oui. Pendant 3 jours entiers, on s'est caché, on est resté au lit. Mais les amours commencent pas. Les amours commencent par anneau et finissent par couteau. Quel parano ce Claude. Et oui, pendant longtemps, il a fallu attendre la mort ou bien l'adultère pour être délivré de l'époux. Et puis, la Révolution française provoque une rupture majeure dans l'histoire du mariage puisqu'elle instaure le divorce en 1792. Le divorce, supprimé puis rétabli, est par définition bénéfique aux noces puisqu'il permet les remariages. L'hospitalité, c'est aussi un don d'Eddie Barclay. Eddie Barclay qui récidive et qui, pour la 4e fois, se marie. « Je suis peut-être un baladin de la vie parisienne », a-t-il déclaré, « mais j'ai également un cœur ». Et ce n'est pas parce que j'ai raté mes précédents mariages que je dois renoncer au bonheur familial. Peut-être Eddie Barclay va-t-il trouver ce bonheur familial avec cette nouvelle Madame Barclay qui s'appelle Béatrice Châtelier, qui a 18 ans et qui étudie le chant classique. Mais pour l'instant, Eddie Barclay a décidé de ne pas la lancer dans le chant, mais tout simplement de la garder dans son écurie. Petite remarque, les illustrations sonores étaient d'Yves Mourousi lui-même. Alors, au total, Eddie Barclay s'est marié 8 fois, comme Elizabeth Taylor d'ailleurs. C'est ça qui est bien avec le mariage civil. C'est que tu peux épouser, sans avoir à te justifier, une femme divorcée, comme celle de Jacques Martin, par exemple. On a crié « Vive la mariée !» Elle était jolie à croquer, même encore plus jolie qu'avant. Du temps qu'on était ses amants, le marié s'appelait Nicolas, je crois. Mais comme on ne le connaissait pas, chacun de nous s'est demandé où elle avait pu le trouver. Eh ben, à Neuilly, bien sûr. Comme quoi, le mariage que l'on dit en perte de vitesse reste encore pour certains une valeur refuge. Ainsi, aujourd'hui, tout le monde semble vouloir se marier. Le mariage des prêtres est un sujet bateau. Faut-il laisser la liberté de se marier aux prêtres ou bien faut-il ordonner des hommes mariés ? Vaste sujet, mais jusqu'ici, Rome a dit non. Il y a précisément en ce moment un incident qui soulève quelques troubles près de Besançon. Le curé de la paroisse, un petit village classique, vivait depuis longtemps avec une femme, ce qu'avaient fini par admettre les paroissiens, estimant que, humainement, il avait tout de même bien des qualités. Et puis, ce prêtre a fini par se marier civilement, et l'archevêque, Monseigneur Lallier, l'a alors destitué et a nommé un autre curé. Mis à part les curés, par devant et par derrière, mis à part les curés, personne ne veut se marier. Ainsi, le mariage des prêtres fait toujours débat et titille certaines calottes vaticanes qui sont loin de la tolérance de l'Église des premiers siècles sur ce sujet. D'autant plus que le mariage, sacrement religieux à l'origine, est devenu dans nos sociétés laïques une union légale entre deux personnes qui se passe à la mairie. Un truc hyper consensuel, quoi. France Inter. Jamais mariage n'avait déclenché une telle passion. Ce matin, lorsque Stéphane et Bertrand sont arrivés à la mairie de Bègles, il y avait foule, ambiance tendue, reportage sur place, Frédéric Bourgade. Des t-shirts, des pancartes, des slogans et de jeunes militants anti-mariage homosexuel. Ils sont propres sur eux, mais certains calicots sont sans équivoque. Par exemple, celui-ci. Un père, une mère, oui. Des tantes, non. Ou encore, des allusions plus sexuelles sur Noël ma mère et la loi. Beaucoup ont également des autocollants de l'extrême droite. Et le MIL, le Mouvement Initiative et Liberté, proche de l'ancien ministre Charles Pasqua, a même organisé un véritable blocus de la sortie des mariés. Le face-à-face avec les pros au mariage a été tendu, surtout quand le propos était insultant. Illustration avec ce militant dont la pancarte dit « Et demain, le mariage zoophile ». Et pourquoi pas le mariage zoophile ? Comme tu viens de l'entendre, certaines idées se marient parfaitement avec la hyène. Cela dit, si le mariage a décliné au XXe siècle, il connaît aujourd'hui un léger sursaut, ce qui n'arrange pas les affaires, bien sûr, de ceux et de celles qui sont en double fil. Arrête, arrête, ne me touche pas, je t'en supplie, aie pitié de moi, je ne peux plus, plus supporter, avec une autre, te partager d'ailleurs. Demain, tu te maries. Elle a de l'argent, elle est jolie. Elle a toutes les qualités. Mon grand défaut, c'est de t'aimer. Arrête, arrête, ne me touche pas. Je t'en supplie, aie pitié de moi. Dès que tes mains se posent sur moi, je suis prête à subir ta loi. Mais tu as préféré les grands honneurs à la place de notre bonheur. Et pour gaver tes ambitions, tu as détruit. Je sais, tu m'aimes encore. l'orgueil pour toi est le plus fort. Il a vécu le grand amour pour garantir tes vieux jours. Il faut nous quitter sans remords. Tu es le maître de ton sort. Laisse-moi te féliciter. Demain tu vas te marier. Chez elle, tu auras le confort. Chez moi, tu jouais avec mon corps. Chez elle, tu vas te distinguer. Chez moi, tu venais te griser. Ce soir, c'est la dernière fois que je te parle. Je te vois. Puisque c'est elle qui aura ton nom ce soir, moi je te dis non. Demain tu te maries. C'est ce que regrettait déjà Patricia Carli en 1963. Et oui, car l'hymen de son meilleur ami n'est pas toujours une bonne nouvelle. Arrête, ne me touche pas. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire des épousailles, il est temps désormais, toujours en direct du Mansion Palace, d'offrir quelques conseils avisés à l'usage des futurs mariés. Oui, mon ami, quelles sont les recettes d'une merveilleuse union nuptiale ? Notre premier conseil serait sans aucun doute de te rappeler qu'il faut éviter la précipitation. Car comme chacun sait, trouver l'âme sœur n'est pas chose aisée. Ainsi, pour contrarier le cynisme de Pierre Desproges, qui affirmait sans embâge que dans un couple, il y en a toujours un qui pleure et l'autre qui s'emmerde, il faut donc absolument prendre son temps bon sang pour trouver la chaussure idéale qui convient à son pied. Pour envisager de construire un mariage dans la durée, il faut donc être très exigeant vis-à-vis de soi-même quant au choix de la personne aimée. Il s'agit de se poser les bonnes questions. Tiens, supportera-t-elle encore dans 10 ans que je trempe ma tartine beurrée dans mon café au lait le matin au petit déjeuner? Et lui, supportera-t-il encore dans 15 ans que parfois je me couche le soir près de lui alors que je sens sous les bras? Oui, pour éviter de divorcer prématurément, il faut être sûr de son choix. Et pour être certain de ne pas se tromper, il ne faut pas hésiter aujourd'hui à faire appel à des professionnels. Aujourd'hui, point n'est besoin de jeter des bouteilles à la mer si l'on est en peine de mariage. Deux solutions plus modernes, les petites annonces dans les journaux, du type « jeune homme, bonne famille, chère jeune fille douce, etc. etc. » ou encore le passage par une agence spécialisée. Et Christiane Paulfort a tenté l'expérience pour nous. Elle s'est présentée à une agence matrimoniale. Je vous propose avec elle de voir comment cela se passe. J'ai 32 ans. Je suis responsable de la DRH dans un groupe de télécom. Je vis dans un 70 mètres carrés boulevard Raspail avec balcon et ascenseur. Je conduis une Audi A3, injection. J'aime aller à l'opéra, passer des week-ends à l'étranger. Je ne supporte pas les torses velus ni les ongles sales. Et je ne pratique pas la fellation. D'accord. Moi, j'ai 37 ans. Je bosse à la bourse. Mais j'ai plein de centres d'intérêt dans la vie. J'aime le théâtre. Excusez-moi, mais pour la fellation, c'est définitif. Eh oui, mon vieux, ça fout les boules, mais réussir son mariage nécessite parfois d'accepter quelques petits compromis. C'est là notre deuxième conseil. Et puis, une fois la décision prise de se marier avec cette merveilleuse personne, attention, car il faut être très vigilant à ce que le futur gendre ou la future bru s'entende correctement avec sa belle famille. C'est pourquoi il faut annoncer les noces à ses propres parents avec beaucoup de diplomatie. Surtout à maman, d'ailleurs. La date des noces, on n'en est peut-être pas encore là, hein. Si vous avez arrêté une date, c'est différent, bien sûr. Et alors, c'est quand est-ce prévu pour? Demain? Alors à ton père, qu'on soit bien d'accord, hein. Je lui dis que demain, tu épouses un noir qui s'appelle Félix le chat. Ainsi, Lorsque tout le monde est prévenu et joyeux à l'idée de ton futur mariage, écoute bien, car il faut mettre toute ton énergie à ce que la cérémonie soit la plus belle possible. Il faut choisir avec élégance son costume ou sa robe de mariée. Il faut prêter attention à la beauté du lieu que l'on réserve pour le dîner. Mais surtout, il faut choisir le meilleur traiteur, celui qui fait des petits miracles. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. Or, il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs, et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Eh oui, la cuvée du Christ connaît toujours un immense succès. C'est ainsi d'ailleurs que les invités de la noce s'endorment fréquemment dans les vignes du Seigneur. Cela dit, avant de te passer la corde au cou, ne néglige pas notre conseil suivant. Se marier, bien entendu, c'est renoncer aux avantages du célibat. Alors, la veille du mariage, n'oublie surtout pas de profiter pleinement de ces derniers instants. Et pour terminer, la triste histoire d'un mariage raté à cause d'une beuverie. En Seine-Maritime, un menuisier de 33 ans qui devait se marier samedi prochain va devoir repousser la date de ses noces. Il s'est saoulé pour enterrer sa vie de garçon et s'est fait condamner à 8 jours de prison ferme pour conduite en état d'ivresse, conduite sans permis, entrave à la circulation, rébellion et outrage à agent. La fiancée, qui avait déjà préparé sa robe, la pauvre, va la remettre dans la naphtaline. Voilà, c'était une nouvelle illustration du slogan « Un verre, ça va, 3 verres, bonjour les dégâts ». France Inter, 19h22, merci d'avoir écouté ce journal. C'était le journal de Patrice Bertin. Bon, après avoir enterré ton célibat, arrive alors le jour fatidique de l'union nuptiale. Et là, pour que la fête soit belle, pour qu'elle reste gravée dans toutes les mémoires, pour qu'elle soit un socle robuste contre l'usure du temps, il faut absolument faire appel à un bout en train qui va te surchauffer l'ambiance. Au mariage, délevons le cul, il y avait du monde, il y avait du monde. Au mariage, délevons le cul, il y avait du monde, tant et plus. Le perlevant était l'ami du perle-cul, à tous les invités il présentait le cul. Comme le vin était bon, chacun était ému, on remerciait le vent, on embrassait le cul. Au mariage, délevons le cul, il y avait du monde, il y avait du monde. Au mariage, délevons le cul, il y avait du monde, tant et plus. Et puis le lendemain, pense à préparer quelques grillades pour le retour de noces dans le jardin à Mémé. Mais attention, le dimanche soir, n'oublie jamais ce que viennent de vivre tes parents, c'est une leçon. Voilà, c'est terminé, tout le monde est parti. Notre fille est mariée, elle est partie aussi. Tu crois que nos invités ont tous été contents? Avec ce qu'ils ont bu, ce serait pas étonnant. Va falloir tout ranger, j'en ai pour un moment. Tu dois être fatigué, viens t'asseoir un instant. Tout comme il y a 20 ans, on se retrouve tous les deux. Ça devait arriver, mais avoue que c'est curieux. Alors là, franchement, avec tous ces conseils avisés, je ne vois pas comment ton mariage pourrait échouer dans les statistiques du divorce. Mais bon, pour inscrire réellement ton mariage dans la durée, écoute maintenant cette ultime recommandation la plus essentielle, me semble-t-il, que vient te proposer le redoutable Maurice Thiesche. On découvre cela juste après le jingle. Ça les amuse, ça les amuse. Et voici la chronique de la Voix de l'Espérance. Maurice Thiesche vous parle. Lorsqu'on cherche à savoir par des enquêtes ou des tests quelles sont les qualités les plus prisées dans le mariage, il en est une qui figure presque toujours en tête de liste, c'est la fidélité. Il est évident que sa condition première est l'amour. Voilà pourquoi c'est folie de se marier sans amour, puisque c'est vouer presque infailliblement le nouveau couple à une séparation plus ou moins complète. Mais comment faut-il entretenir cette constance dans les sentiments tendres, la communion vraie? Conseillons d'abord aux jeunes couples d'éviter les longues séparations. Les déplacements, la difficulté de se loger semblent parfois contraindre à vivre quelques mois loin l'un de l'autre. Il vaut mieux, croyez-moi, supporter ensemble une installation moins confortable plutôt que de laisser les cœurs et les pensées prendre peu à peu des directions divergentes. Il faut aussi repousser avec la dernière énergie des pensées telles que celle-ci. « Ah, que n'ai-je épousé cet autre ? Je serais bien plus heureux !» Cet autre, femme charmante ou homme séduisant que vous côtoyez chaque jour peut-être, prendra insidieusement dans votre cœur et vos pensées une place qui ne lui appartient pas. D'ailleurs, le connaissez-vous ? Il a, lui aussi, elle a, elle aussi, ses défauts, ses faiblesses, soyez-en sûr. Si vous pouviez les voir, vous cesseriez de faire des comparaisons défavorables pour votre conjoint. L'infidèle fait un mauvais calcul. À moins d'un redressement, il s'expose à n'être pris au sérieux par personne. Vous venez d'entendre la chronique hebdomadaire de La Voix de l'Espérance. Frank and Hava, c'est le couple mythique que célèbre Suzanne Vega sur son nouvel album intitulé Beauty and Crime. Titre parfait pour un Frank Sinatra marié à la beauté d'Ava Gardner et maqué avec le milieu du crime californien. Alors maintenant, pour prolonger nos péripéties dominicales et nuptiales, il est temps désormais, à 11h33, de te dévoiler les préparatifs du mariage le plus glamour de l'été entre le basketteur Tony Parker et l'actrice américaine Eva Longoria. Avant tout, pour celles et ceux qui l'ignorent, Tony Parker est un jeune basketteur français qui triomphe depuis plusieurs saisons sur les parquets du championnat américain. Eva Longoria, quant à elle, est une actrice d'origine mexicaine sublime, héroïne d'une série télé qui cartonne à l'échelle mondiale. Ces deux stars internationales se sont rencontrées il y a quelques mois après un match dans le vestiaire des Spurs de San Antonio, l'équipe de basket de Tony, qui lui aurait d'ailleurs mis directement la main au panier. Et le 29 novembre dernier, deux mois après une grosse crise conjugale qui pouvait laisser craindre le pire pour nos deux tourtereaux plaqués or, Tony, à genoux sur un lit de pétales de rose, a officiellement demandé à Eva si elle accepterait de l'épouser. Attends, on dirait carrément une scène du Bachelor sur M6. Toujours est-il que Miss Eva a répondu oui. Dans la foulée, Tony Parker, lui, a voulu s'assurer d'un truc quand même. Écoute, il y a une chose que je voudrais savoir. Je suis ton premier grand amour ? Ah, oh non, non, non. Ah bon, non. Alors c'était qui ? Voyons, il y a eu Denis à Chippewa Falls au lycée. Denis, oui, oui. Un petit provincial qui t'attendait devant le grand ciné le samedi soir. Si tu m'avais connu à cette époque-là. Je vois ça d'ici. Godiche comme une femme de cosmonaute. Et puis il y a eu Jerry, un acteur. C'était à Louvetail. Oui. On peut dire qu'il y a eu du bol que j'arrive. Ah, oh, vraiment ? Bah dis donc. J'aurais jamais cru qu'un jour je sortirais avec une fille qui emploie des expressions comme ben dis donc. Ben dis donc. Très vite, ils ont fixé la date et le lieu. La cérémonie aura donc lieu à Paris. Le 7 juillet 2007. Euphorique qu'Eva lui ait dit oui, Tony a alors immédiatement porté la bonne nouvelle à tous ses amis. Seulement voilà, quand Tony a annoncé à ses coéquipiers basketteurs qu'il allait se marier avec Miss Longoria, certains d'entre eux ont été surpris. Et gros, ta meuf, c'est une Kaira. Ouais. Et pas seulement parce qu'elle écoute du Pora. Ouais. Ta meuf, c'est une Kai, mec. Y'en a marre, mec. Ouais, y'en a marre, mec. Tout le monde en a marre, mec. Elle boit, elle crache, elle check. Elle pue du bec. Y'en a marre, mec. Ta meuf, c'est une Kai, mec. Y'en a marre, mec. Ouais, y'en a marre, mec. Tout le monde en a marre, mec. Elle boit, elle crache, elle check. Elle pue du bec. Y'en a marre, mec. Vexé, Tony Parker a écourté cette petite fête prénuptiale. D'ailleurs, il ne fallait pas se coucher trop tard, car très tôt le lendemain matin, il avait rendez-vous à la mairie avec Eva pour obtenir une licence afin de pouvoir se marier à l'étranger. L'officier d'état civil américain était d'humeur badine face à la demande de mademoiselle Eva Longoria. Ce serait pour une licence de mariage. On voudrait se marier tous les deux. Ah. Vous êtes sûr de le vouloir? Mais, naturellement, voilà une question. C'était une plaisanterie. Votre nom? Orphée. Orphée. Orphée. Ah, et comme il se doit, mademoiselle s'appelle Eurydice. Comment? Non, je m'appelle pas Eurydice. Pourquoi vous me dites ça? Parce qu'Orphée aime Eurydice, c'est le secret de Polichinelle. C'est vrai que tu aimes Eurydice? Mais je ne connais personne de ce nom-là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Rien, rien, c'est une très ancienne histoire. Encore une fois, je plaisantais. Et moi, je ne trouve pas ça drôle du tout. Que je n'entende plus parler de ces vieilles histoires, t'as compris? Mais puisque t'as je... T'as compris? Eh oui. Eva Longoria n'a pas les codes, bien sûr, de la culture grecque du vieux continent. Résultat, elle était persuadée que son Tony, surnommé Orphée, entretenait une relation secrète avec une pauvresse là, qui s'appellerait Eurydice. Du coup, Eva a exigé de Tony qu'elle puisse inviter à leur mariage son premier mari, un acteur américain, Tyler Christopher, qui lui était très heureux d'apprendre la nouvelle. Au mariage de ma femme, je suis invité, on va boire. Alors certes, ce mariage s'annonce archi-glamour et total branché, bien sûr, puisque sur la liste des invités, on trouve des noms comme ceux de Thierry Henry, du rappeur Puff Daddy ou de l'acteur Denzel Washington. Mais bon, durant l'hiver, il a bien fallu que les deux familles des futurs époux se voient pour préparer cette énorme cérémonie à Paris. D'ailleurs, la maman d'Eva a pris les choses en main. Bon, si nous parlions un petit peu du mariage. Pour le traiteur, j'ai pensé qu'on pourrait prendre le nôtre. Pourquoi pas? Et qui sait? Comment? Le traiteur. Qui c'est? C'est le nôtre. Mais si vous préférez prendre le vôtre... Non, on va pas prendre le vôtre. Parfait. Alors? C'est qui? J'ai compris. Vous voulez pas le dire? Eh oui. Les familles ont également réservé un somptueux château en région parisienne pour le dîner et la fête, très sélecte bien sûr. On a donc tout prévu et on a même organisé, il y a 6 semaines, dans le plus grand secret, une répétition générale de la cérémonie religieuse dans l'église de Saint-Germain-l'Auxerrois, en face du Louvre. Et là, mademoiselle Longoria semblait très dissipée face au prêtre. Donc, quand je prononce la formule « vous pouvez embrasser la mariée », vous pouvez embrasser la mariée, mais sans enfoncer la langue dans sa bouche. Vos amis, peut-être que ça les fait rire, mais vos parents, par contre, ça m'étonnerait beaucoup qu'ils apprécient. On essaiera de se retenir, mon révérend. Après avoir réglé quelques détails techniques, donc, Eva et Tony sont ensuite allés se changer dans la sacristie afin de répéter entièrement la cérémonie de leur mariage. C'est alors qu'un homme, petit et brun, s'est introduit discrètement dans l'église. Il portait des mocassins à pompons. Aucun doute, il s'agissait bien de M. Sarkozy. Nicolas s'est alors approché des futurs époux et a cherché à en savoir plus auprès de Tony. Alors, qu'est-ce qui est censé se passer? J'avais entendu parler de répétitions de mariage, mais je n'avais jamais entendu dire que ces répétitions devaient avoir lieu en robe de mariée. On s'est dit, pourquoi dépenser une somme pareille pour une robe qui servirait qu'une fois? En plus, elle est tellement jolie comme ça. Alors on a décidé de l'utiliser au maximum. Mais il paraît que ça porte malheur que le futur époux voit sa fiancée dans sa robe de mariée avant la cérémonie. Ouais. J'ai un certain penchant pour le danger. Comme je vous comprends. Tony Parker a trouvé très étrange ce Nicolas Sarkozy. Mais bon, la répétition s'est poursuivie normalement, jusqu'à ce que président Sarkozy tente de s'immiscer en loose-dé dans le protocole pour parler à Mademoiselle Longoria pendant la fausse bénédiction du prêtre. Nous sommes les témoins de deux êtres qui ont choisi de s'épouser car ils s'aiment sincèrement. Même si l'on choisit celui ou celle qu'on épouse, on ne choisit pas toujours ce l'on aime. Je suis pas venu pour t'ennuyer, je suis là parce que je suis le témoin, t'en fais pas pour moi. Fais comme si j'étais pas là. Le plus étrange qui soit, il nous fait aller au-delà. Je suis pas cinglé. Il défie toute logique. L'amour. Tu es vraiment très belle dans cette robe, c'est tout ce que je veux te dire. L'amour nous transporte. Je n'arrive pas à ne plus penser à toi. Tu es dans toutes mes pensées, je te jure, c'est affreux. Ah oui, mais il est là où on ne l'attend pas. Très vite, Tony Parker s'est aperçu du petit manège du petit Nicolas. Immédiatement, du haut de son 1m88, Tony est alors chopé par le callback président Sarkozy pour le raccompagner vers la sortie de l'église en lui expliquant deux ou trois trucs. Patouche, patouche, patouche, patouche, patouche, patouche à ma femme, infâme. Avis à tous ceux qui passent. Si tu louches sur sa bouche, je te tabasse, je te tabasse. Une fois sur le parvis, président Sarkozy, friand des mondanités, a tout de même réussi à choper une info sur ce mariage en or. Les festivités devraient se tenir au château de Vaux-le-Vicomte. Va donc falloir s'y incruster pour y séduire une femme mariée et du moins essayer. Comment séduire une femme mariée? Comment faire le plus discrètement que ni son mari ni ses parents ne soient au courant? Fais-lui saisir en un mot sans passer pour un mégalo qu'une aventure sans lendemain lui ferait peut-être du bien. Est-elle heureuse avec lui? S'inquiète-t-elle quand il rentre à minuit? Attention, ce sont des clichés, il faut pas t'en occuper quand tu veux séduire une femme mariée. Faudrait tourner à ton avantage la situation, sans parler de l'âge de son vieux mari, ni même de se moquer de lui. C'est tentant, mais ça se fait pas, surtout si ce bonhomme-là travaille au MEDEF ou dans une centrale EDF. Tu ne respectes rien, es-tu amoureux au moins? T'en sais rien, on ne confond pas séduction et gauche révolutionnaire quand on veut séduire une femme de notaire. Si tu lui parles de Venise ou bien de la Tour de Pise, évite les récits de voyage, les hôtels de passage. Préfère les histoires plus jolies. Un coup, j'étais en Amazonie avec des copains super marrants pour manger du serpent. Faut pas tout dire tout le temps. Laissez le plus souvent du mystère. Faudrait pas se tromper dans les noms des pays ni des régions quand on veut séduire la femme d'un pilote d'avion. Comment séduire une femme mariée, c'est ce que se demande Sanseverino sur son dernier album. Mais ça viendrait à l'idée de personne, ça. Que le maire d'une commune, par exemple, essaie de draguer une femme qu'il est en train de marier, ça ne s'est jamais vu, non? Alors, pour poursuivre notre exploration dominicale et matrimoniale, il est grand temps maintenant, à 11h43, de retrouver notre couple de héros, les roucoulants Monique et Jean-Claude. En effet, samedi dernier, Monique et Jean-Claude étaient invités à la noce d'une cousine germaine du Jean-Claude. Monique s'est occupée des tenues. Pour elle, une magnifique robe fuchsia avec chapeau assorti. Et pour Jean-Claude, une superbe cravate à motif floral. Et cette cravate, Jean-Claude, il la trouve magnifique. Oh putain, j'en ai jamais eu une aussi belle. Oh la vache, ça éclabousse. Avec ça, t'es vraiment une belle bête. Oh, tu sais me saper, toi. Tu sais quoi dire pour me faire bander. Viens. Attends, je vais monter un petit peu la musique. Mais non, il est trop tard pour danser une samba crapuleuse car il est temps de partir. La cérémonie est à 15h. Jean-Claude râle un peu, quelle idée aussi de célébrer le mariage un samedi. Mais Monique lui explique que c'est la tradition. Enfin, Jean-Claude répond que ce n'est pas partout pareil, hein. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches C'est pas très malien de se moquer d'elle, lui répond Monique. Surtout que maintenant, il faut vraiment se presser. Malgré quelques pointes de vitesse, Monique et Jean-Claude arrivent en retard à la mairie. Pendant que Monique se faufile dans la salle des mariages, Jean-Claude, lui, préfère rester sur le perron de la mairie, caméscope en main, pour assister à la sortie des mariés. Seulement voilà, il n'est pas le seul à avoir eu cette idée. Ça vous fera rien de pas bousculer ? Le trottoir, il est bien tout le monde. C'est pas parce que la terre est ronde qu'il faut vous rouler sur mes pieds. Moi aussi, je veux la voir, la mariée. Attention, attention, lève-la. Oh, parce qu'elle est belle, la poupée. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Vive la mariée, vive la mariée. Voilà, c'est fait, la cousine du Jean-Claude est mariée. Sur le parvis, les demoiselles d'honneur jettent des pétales de fleurs, tandis que l'oncle Benz, lui, jette du riz, bien sûr. Les invités se retrouvent sur le parvis de la mairie, tous plus beaux les uns que les autres, dans une farandole de couleurs éclatantes. Les vestes jaunes rivalisent avec les tailleurs verts et quelques chapeaux agrémentent la photo de groupe. Toute la famille est réunie, c'est merveilleux. Jean-Claude, lui, retrouve des personnes qu'il n'avait pas vues depuis des années. Alors comment ça va, ta somptueuse copine ? Ah, ça n'est plus ma copine. Oh. Dans le fond, c'est pas plus mal, il paraît qu'elle se faisait culbuter par Toby Delisle au cas où tu l'aurais plaqué. Maintenant, c'est ma femme. Ah, formidable. Bravo. Toutes mes félicitations. Excusez-moi. Alors, l'héritier est en route ? Je veux dire, vous avez des... enfants ? Non ? C'est pas grave, rien de presse, c'est vrai. Vous avez tout le temps. Oui, bon ben, maintenant, il faut aller au vin d'honneur qui se tient dans une salle communale décorée de crépons et de cœurs en coton. Sur une table, sous la photo officielle des jeunes mariés, que l'on peut déjà s'offrir pour la modique somme de 150 euros, il y a le livre d'or. Jean-Claude prend donc sa plus belle plume. Le mariage est comme une ville assiégée. Ceux qui sont dehors veulent y rentrer, et ceux qui sont dedans veulent en sortir. Monique se dit que décidément, ce Jean-Claude est insortable. C'est alors que Jean-Claude aperçoit au fond de la salle une cousine avec qui, enfant, il jouait pendant les vacances et dont il conserve un souvenir ému. Il ne l'avait pas vue depuis au moins 20 ans. Dis-moi, Céline, les années ont passé. Pourquoi n'as-tu jamais pensé à te marier ? De toutes mes sœurs qui vivaient ici, tu es la seule sans mari. Pendant que Jean-Claude discute avec sa cousine Céline, Monique s'approche de la table où s'amoncellent les cadeaux de mariage. Elle est alors abordée par un autre cousin du Jean-Claude. Décidément, c'est une grande famille. Le cousin lui demande alors à Monique ce qu'elle a offert aux jeunes mariés. Une friteuse. Ah, c'était vous. C'était sur la liste. C'est particulier, une friteuse, non ? Pourquoi ? Bah, avouez que c'est curieux de mettre ça sur une liste de mariage. À 26 ans, avoir comme ambition de partager au plus vite une friteuse. Moi, c'est une façon d'enterrer le couple. Ça exclut toute libido. Qu'est-ce que vous avez offert, vous ? Un plat à tarte. Ah, c'est pas mieux, hein. C'est pas mieux, hein. Monique est un peu vexée de la remarque du cousin. Elle l'a payé cher, sa friteuse, merde. Et puis surtout, elle voudrait la même. D'ailleurs, le cousin, lui aussi, quand il se mariera, il fera une liste avec plein de trucs inutiles. Mais le cousin explique à Monique qu'il n'a pas une conception matérialiste du mariage. Dans certaines contrées lointaines, un homme choisit une femme, l'épouse, et il ne connaît plus qu'elle jusqu'à ce que la mort les sépare. Oui, mais nous, ça n'a rien à voir, on est civilisés, on n'est pas des sauvages. Vous les voyez, vous, les hommes d'ici, avec une seule femme toute leur vie, ils auraient l'air de quoi ? Moi, je trouve ça bien. Ben oui, mais vous avez pas de femme du tout, c'est encore mieux. On dit que je suis fidèle. Ah non, c'est pas ça qu'on dit. Ah bon ? Qu'est-ce qu'on dit ? Ben, on vous voit jamais avec une femme, alors... c'est vrai qu'on vous raconte des choses, pas mal de choses même. Mais pas que vous êtes fidèle, hein. Ça y est, l'alcool aidant, les secrets de famille et les rancœurs font surface. Monique vient de rejoindre Jean-Claude car le signal a été donné, le repas va commencer et chacun doit trouver sa place indiquée par un petit pain nominatif. Jean-Claude demande à Monique si elle s'amuse. Elle lui explique ce qu'elle pense de ce genre de cérémonie. Ok, Jean-Claude a bien compris que Monique n'est pas encore prête à vivre le plus beau jour de sa vie. Mais Jean-Claude la rassure immédiatement. J'ai l'honneur de ne pas te demander ta main. Ne gravons pas nos noms au bas d'un parchemin. En écoutant ce que Jean-Claude dit à Monique, un autre cousin les interroge. Comment arrive-t-il à vivre ensemble depuis tant d'années sans être mariés ? Monique répond que c'est sans doute là l'explication de leur longévité. Jean-Claude lui explique que pendant longtemps, il a fait attention, mais que maintenant, il est très à l'aise. Maintenant, je pète au lit avec elle. Je pète au lit avec elle. Oui, je pète au lit avec elle. Je pète au lit avec elle. Tout le monde est un peu outré de ces potacheries, ce qui amuse encore plus Monique et Jean-Claude. Surtout qu'il est l'heure des jeux. Alors tout y passe. Les chaises musicales, la jarretière aux enchères, la danse du tapis et puis l'incontournable... C'est la danse des canards qui en sortant de la mare se secouent le bas des rames et font coin coin. Faites comme les petits canards et pour que tout le monde se marre, remuez du popotin en son coin coin. À présent claquez du bec en secouant vos plumes avec, avec beaucoup plus d'entrain et des coin coin. Allez mettez-en un coup, on s'amuse comme des petits fous. Maintenant pliez les genoux. Jean-Claude et Monique sont donc en train d'exécuter avec la plus grande attention la chorégraphie complexe de la danse des canards. À peine ont-ils terminé que c'est reparti pour une autre œuvre, sans doute de Pina Bausch. Alors que tout le monde danse la chenille à la table des mariés, la conversation bat son plein entre les deux familles nouvellement alliées. Non mais regarde-moi le mignon là avec sa face d'alcoolique et sa viande grise, avec du mou partout, du mou, rien que du mou. Mais tu vas pas changer de gueule un jour toi non ? Et l'autre à la rombière, la gueule en gélatine et Saint-Doux, trois mentons les nichons qui dévalent sur la brioche, 50 ans chacun, 100 ans pour le loup, 50 conneries. Où est-ce qu'il va chercher tout ça? Mais qu'est-ce que vous êtes venu foutre sur terre, nom de Dieu? Vous n'avez pas honte d'exister? Hein? Mais je... Tais-toi! Tais-toi! Voyant que l'alcool aidant, la soirée de mariage dégénère, Monique et Jean-Claude décident alors de s'éclipser. Voilà, c'est la fin du mariage. Avant de repartir, Monique reprend sa friteuse et avec son Jean-Claude, ils décident d'aller revivre une nouvelle lune de miel. Achat. Je te mets un doigt de vodka et te suce sur des mots tout bêtes. Un désir de tendresse t'habite dans la gorge, j'ai comme un nœud. Je sens bien ton trouble et très vite je baisse ton front et tes yeux. Ah bien. Ah viens, prenons notre pied à terre pour une île et laissons-nous glisser dans le confort tranquille. Oui viens, oui viens, oui viens, jouissons ensemble de l'instant heureux où l'eau s'enculminait, le plaisir d'être deux. Thank you. t'éclaire dans tes yeux qui quête. Tu veux m'accueillir dans tes bras. Oh, tu peux me mettre, mon amour, ce vieux tube en fond sonore. C'est l'homme de beat de Gainsbourg, ton culte pour Serge t'honore. Avian, c'est ce que proposaient en 1985 les Charlots à l'adorable mademoiselle Stouquette, Debbie Stouquette bien sûr, qui n'est autre que Nicole Croisy, venue incognito pour former le temps d'une chanson, un couple hors norme. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre cérémonie dominicale dans le monde heureux et pluvieux des mariages. De Jésus aux noces de Cana, aux noces de Tony avec Eva, des alliances à la jarretière et du meilleur au pire, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peuvent être les épousailles. Alors, pour terminer, dans les 2 mois qui viennent, nombreux sont celles et ceux qui vont assister à un joli mariage, les Vénards. Attends, tu vas t'empiffrer gratos d'amuse-gueule et de choux à la crème. Tu vas klaxonner comme un bourrin en pleine ville. Tu vas peut-être enfin choper une cousine dans la belle famille et... si t'es demoiselle d'honneur, tu peux même récupérer le bouquet de la mariée. Alors, hors de question de jouer les rabat-joie et ne va surtout pas dire aux mariés que... Les histoires d'aller, les histoires d'aller, les histoires d'amour finissent mal. Les histoires d'amour finissent mal en général. Les histoires d'amour finissent mal en général. C'était les Rita Mitsuko qui te prévenaient que les histoires d'amour finissent mal en général. Voilà, fin du 83e épisode. Tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié. C'était C'est quoi le mariage ? Revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h et en direct sur France Inter pour une dernière aventure Total Foutrac et Archiloufoque bien sûr, avant que nous rediffusions les meilleurs épisodes durant tout l'été, le dimanche à la même heure. Panique au Mangin Palace est une émission coécrite les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Merci à toi Xavier. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel. Merci beaucoup Marco. Assisté aujourd'hui à la technique d'Arnaud Caillé et d'Éric Morin. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et aussi plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Flora Bernard. Merci Flora. Merci aussi à Perrine Reversa, notre stagiaire. Pour les Scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires. Merci enfin à Philippe Chalinier, documentaliste de l'INA, pour ses recherches. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la Panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain en direct à 11h sur France Inter. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Sait-on qu'à l'heure actuelle, un beau-frère n'a pas le droit d'épouser sa belle-sœur divorcée, un oncle sa nièce consanguine et un gendre sa belle-mère.